بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس التاسع عشر والدرس الأخير في هذه السلسلة في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. Nous sommes donc au 19e cours, qui est le dernier cours dans cette série, l'explication du chapitre du jeûne tiré du livre Umdat al-Ahkam d'Al-Maqdisi rahimahullah. Wa qad wasalna ila bab al-i'tikaf. Nous sommes donc arrivés au sous-chapitre lié à al-i'tikaf, la retraite spirituelle. ذكر العلماء أن الاعتكاف هو لزوم المسجد بقصد العبادة فيه. Les savants ont cité que l'i'tikaf, la retraite spirituelle, c'est le fait de rester dans la mosquée par intention de s'adonner à l'adoration dans celle-ci. Rester à la mosquée avec intention de s'adonner à l'adoration dans celle-ci. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ. Et certes, les savants sont unanimes sur le caractère recommandé de la retraite spirituelle. وَانْتَبِهُ فَلَيْسَ الْإِعْتِكَافُ لُزُومَ الْمَسْجِدِ مِنْ أَجْلِ التَّحَدُّثِ إِلَى النَّاسِ وَالْقِيلِ وَالْقَالِ وَالنَّوْمِ وَالْأَكْلِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et attention, car l'irtikaf, la retraite spirituelle, ce n'est pas le fait de rester à la mosquée pour parler avec les gens, ou alors le fait de profiter des ondits, ou de dormir, ou de manger, comme l'a cité le savant Ibn al-Uthaymin رَحِمَهُ اللَّهُ. Et donc, il faut profiter de son temps durant la retraite spirituelle pour s'adonner à l'adoration. Et la retraite spirituelle se fait dans n'importe quelle mosquée. Allah le Très-Haut qui dit « وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ » Et ne copulez pas avec elles, avec vos épouses, alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Dans les mosquées. وَاللَّفْظُ عَامٌ فَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُعَيِّنْ وَلَمْ يُخَصِّصْ مَسْجِدًا مِنَ الْمَسَاجِدِ. Et donc la parole, elle est générale. Dans les mosquées, Allah le Très-Haut n'a pas cité nommément une mosquée spécifique. Et donc cela englobe toutes les mosquées. لكنه أخرج أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. وَلَا اَعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمُ وَلَا اَعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. Cependant, Abu Daoud a cité dans son recueil Es-Sunan, selon Aïchata radiallahu anha qui dit « La sunnah concernant celui qui est en retraite spirituelle ». La sunna concernant celui qui est en retraite spirituelle est de ne pas visiter un malade et de ne pas participer à l'enterrement et de ne pas toucher une femme et de ne pas copuler avec elle et de ne pas sortir sauf pour un sujet impératif, sauf pour quelque chose d'impératif. Et la retraite spirituelle n'est pratiquée qu'avec le jeûne. Que avec le jeûne. Et la retraite spirituelle n'est pratiquée que dans une mosquée Jami'a, une mosquée qui rassemble un grand nombre de personnes. Les grandes mosquées. Les grandes mosquées. Comme on a pour dans les pays musulmans, on va avoir des grandes mosquées où on accomplit le Jumu'ah. Et on va avoir des mosquées, plusieurs petites mosquées, donc, où les musulmans vont prier, vont accomplir toutes les prières, Fajr jusqu'au Isha, ils accomplissent toutes les prières, sauf qu'ils ne font pas la khutbah du vendredi dans ces petites mosquées. Famine el ma'loum, anna sahaba, ida kolu as-sunnah. قصدوا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc il est connu que les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils disent es-sunnah, la sunnah c'est ça. Et donc ils veulent dire par là que ça c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلو أخذنا بهذا الحديث لكنا إن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الكبيرة التي يصلى فيها الجمعة ولا يشرع في المساجد الصغيرة التي لا تقام فيها الجمعة. Et donc, si on prend ce hadith, on dit donc que la retraite spirituelle ne se fait que dans les grandes mosquées dans laquelle s'accomplit le Jumu'ah. Et que la retraite spirituelle ne se fait pas dans les petites mosquées dans lesquelles les discours du vendredi ne sont pas tenus. لكن الصحيح أن هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. Cependant, ce qui est le plus juste, c'est que cette parole n'est pas la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. رجح ابن حجر أنه موقوف على عائشة. Ibn Hajar رحمه الله, il dit que cette parole, elle s'arrête à Aïcha radiallahu anha. Elle ne monte pas plus, elle ne monte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, quand on dit es-sunnah, et donc si Aïcha elle dit es-sunnah, ça veut dire qu'elle l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hajar il dit non. Il dit non, ici, ce n'est pas la parole du prophète, c'est la parole de Aïcha. Ibn Abdel Barr rahimahullah, nasab hadha al-qawl es-sunnah ila az-zuhri. وقال إن عائشة رضي الله عنها لم تقل هذا. Et Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit que la parole est sunnah, qui est prononcée au début du hadith, il dit que cette parole, ce n'est pas la parole de Aïcha. Ce n'est pas Aïcha qui a dit ça. Cette parole, c'est la parole de Zuhri, qui fait partie des rapporteurs du hadith. Il dit que Zuhri, quand il a rapporté ce hadith, il a cité cette parole, il a voulu expliquer le hadith. Il a voulu expliquer le hadith. Et donc, certains ont pensé que c'était la parole d'Aïcha, radiallahu anha, mais ce n'est pas sa parole. Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir ça, Ibn Abd al-Barr, Ibn Hajar et d'autres ulémas? En rassemblant les chaînes de transmission. En rassemblant les chaînes de transmission et en constatant que parfois, très souvent, la majeure partie du temps, cette parole n'apparaît pas. Es-sunnah. Et elle n'apparaît que dans les chaînes de transmission où il y a Az-Zuhri. Et donc, voilà pourquoi ils ont attribué, affilié cette parole à Ibn Shihab, Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala. Idhan, fayajouz l'i'tikaf fi ayyi masjid. Et donc, il est permis d'accomplir la retraite spirituelle dans n'importe quelle mosquée. Al-Hadithu al-Awwal. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. Selon عائشة, le premier hadith, selon عائشة رضي الله عنها, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم s'adonnait à la retraite spirituelle durant les dix derniers jours de Ramadan. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala le rappelle vers lui, le fasse mourir. Puis, ses épouses se sont adonnées à la retraite spirituelle après lui, donc après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi lafdin, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fi kulli Ramadan, fa idha salla al-ghadata ja'a makanahu alladhi i'takafa fihi. Et dans une autre narration, Elle dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'adonnait à la retraite spirituelle durant chaque Ramadan. Et lorsqu'il accomplissait la prière de l'aube, alors il retournait à son endroit où il s'adonnait à la retraite spirituelle. Après donc avoir prié l'aube. Fi hadha al-hadith, مشروعيه الاعتكاف وقد ذكرنا اجماع العلماء على استحبابه. Il y a dans ce hadith le fait que la retraite spirituelle est légiférée, et certes on a cité précédemment le caractère recommandé de cet acte d'adoration, mais plus encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait à chaque Ramadan, ce qui montre l'importance de cet acte d'adoration. Et aujourd'hui on a beaucoup de nos frères عليهم أن يتأملوا كل مديد sur cela. مثلا نحن عندنا في هذا المسجد القائمون عليها أو القائمون عليه إخوة على السنة. Et donc les frères qui sont responsables de cette mosquée sont des frères sur la sunna. يحبون العبادة, ils aiment l'adoration. Voilà pourquoi cette mosquée, elle permettait aux gens de s'adonner à cet acte d'adoration, l'irtikaf, la retraite spirituelle. Alors que d'autres non. Mais celle-là, oui. Pourquoi ? Hubbu sunna, l'amour de la sunna. Et malgré ça, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas profité de ce khair. Et cette année, est-ce que ça va être possible ? Est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire une nuit d'irtikaf, une nuit de retraite spirituelle à la mosquée ? Est-ce qu'une seule, on va pouvoir le faire ? Voilà pourquoi, mes frères, il est important de ne pas retarder à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Accourez à l'accomplissement de l'adoration. Ne délaissez pas les actes d'adoration que vous pouvez faire. وَكَذَلِكَ فِيهِ جَوَازُ اِعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ لَكِنَّ بِشَرْطِ الْأَمْنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَأَنْ لَا يَتَضَرَّرَ الرِّجَالُ بِوُجُودِهَا فِي الْمَسْجِدِ. Et donc, il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est permis à la femme de s'adonner à cet acte d'adoration, la retraite spirituelle dans la mosquée, mais à condition que nous soyons préservés de la fitna, qu'il n'y ait pas de trouble, et que les hommes ne subissent pas de tort par rapport à la présence de cette femme à la mosquée. الْحَدِيثُ الثَّانِي, le deuxième hadith. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. Le deuxième hadith, selon عائشة رضي الله عنها, quelle croit fait le prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'elle avait ses menstrues et que lui, il était en retraite spirituelle dans la mosquée. Et elle était dans sa chambre. Il lui rapprochait sa tête de sorte que sa tête lui soit accessible à Aïcha radhiyallahu anha. Wa fi riwaya wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan. Et dans une narration, elle dit, et certes, il ne rentrait à la maison que pour les besoins de l'homme. Wa fi riwaya anna Aïcha radhiyallahu anha qalat إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. Et dans une narration, Aïcha radhiyallahu anha qui dit, et certes, je ne rentrais à la mosquée, donc elle, quand elle faisait l'irtikaf, je ne rentrais à la maison que pour un besoin. Je rentrais à la maison pour le besoin, pour un besoin, et il y a un malade. Il y a le malade donc dans la maison et je ne demandais concernant le malade que en étant de passage, qu'en passant. Elle passe, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas avec le malade. Elle ne va pas faire la visite du malade. فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضُ لَيْسَتْ نَجِسَةً فَالْمُسْلِمُونَ وَسَطٌ بين غلو اليهود وتفريط النصارى. Et donc on peut tirer comme leçon de ce hadith que la femme menstruée n'est pas impure. La femme menstruée n'est pas impure. Les musulmans sont donc dans le juste milieu entre l'exagération des juifs et la négligence des chrétiens. « وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الْمُعْتَكِفِ لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِخُرُوجِ بَعْدِ جَسَدِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ » Et aussi, nous pouvons tirer comme leçon de ce hadith le fait que celui qui est en état, celui qui est en retraite spirituelle, sa retraite spirituelle ne s'annule pas parce qu'il a retiré une partie, parce qu'il a fait sortir une partie de son corps de la mosquée. Une partie de son corps de la mosquée est sortie, cela ne va pas annuler. Une partie de son corps est sortie de la mosquée, excusez-moi. Donc, une partie de son corps est sortie de la mosquée, cela ne va pas annuler sa retraite spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était dans la mosquée, mais il faisait donc sortir sa tête de la mosquée. Il mettait donc sa tête à un endroit où Aïcha, radiallahu anha, elle pouvait... Donc, atteindre la tête du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le coiffer. « وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِدِ » Excusez-moi. « وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الْمُعْتَكِفِ كَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ الْجُلُوسِ مَعْمْرَأَتِهِ لِحَاجَةِ » Et on prend aussi de ce hadith que le mu'takif, il lui est permis de rester avec son épouse pour un besoin. Il lui est permis de rester avec son épouse pour un besoin. وَيُسْتَفَدُ مِنَ الْحَدِيثِ أَيْضًا أَهَمِّيَّةُ النَّظَافَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَجِّلُ شَعْرَهُ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُهْمِلَ هَذَا الْجَانِبِ. Et donc, on tire aussi de ce hadith l'importance de la propreté. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il coiffait ses cheveux. Et donc, il n'est pas convenable aux musulmans de négliger ce point-là. Wa fil hadith, mas'alatun ikhtalafa fiha al-ulama. Hal yajuzu lil-mu'takif an yakhruja min al-masjid? Il y a dans ce hadith un sujet de divergence entre les ulama, entre les savants. Est-il permis à l'individu qui est en retraite spirituelle de sortir de la mosquée ? Awalan ajma'u ala jawazi khuruj al-mu'takif min al-masjid li hajati al-insan ka qada' al-haja. Premièrement, il faut savoir que les savants sont unanimes sur le fait qu'il est permis à l'individu de sortir de la mosquée. Donc, l'individu qui s'adonne à la retraite spirituelle, il lui est permis de sortir de la mosquée pour les besoins de l'être humain, comme le fait d'accomplir ses besoins, le fait de faire ses besoins. Illa anna al-masajid al-an fiha marahid fayumkinu lil-insan an yaqdi hajatahu fil masjid. Sauf que les mosquées, ici, à notre époque, les mosquées, elles contiennent donc des toilettes. Il y a des toilettes dans les mosquées. L'individu, donc, peut faire ses besoins dans les toilettes qui sont mises à disposition dans la mosquée. Illa liman kana fi hala yas'ubu alayhi qada hajatihi fi al-masjid fa la yaqdi hajatahu illa fi bayti. Sauf quelqu'un qui est dans une situation particulière et qui lui est difficile d'accomplir ses besoins. Il a une gêne dans l'accomplissement de ses besoins dans la mosquée, donc il doit accomplir ses besoins chez lui. À ce moment-là, il retourne chez lui pour accomplir ses besoins. Il n'y a pas de problème en cela. « Wa akhtalafu hal lil-mu'takif an yakhruja lil-janaza aw 'iyadati al-marid » Ils ont divergé. Est-il permis à l'homme, à l'individu qui s'adonne à la retraite spirituelle, de sortir pour visiter un malade ou pour assister à un enterrement. Et certes, la parole de Aïcha qu'on a citée précédemment est une preuve montrant donc l'interdiction. Et certes, certains savants, ils disent qu'il est permis à l'individu de sortir pour visiter le malade et pour un enterrement. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de la mosquée alors qu'il était en train de pratiquer la retraite spirituelle. Il est sorti de la mosquée pour accompagner son épouse Sophia jusqu'à chez elle. C'est le dernier hadith qu'on verra aujourd'hui, inshallah ta'ala. Lakin al-ulama. Et donc pourquoi? Il dit s'il est permis de sortir pour accompagner son épouse, et donc il est permis de sortir pour aller visiter un malade. Pour aller visiter un malade. لكن قال بعض العلماء إن هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على زوجته لكون بيت صفية بعيدا فهذه حاجة. Et certains savants ils disent non, ici le prophète صلى الله عليه وسلم il est sorti avec Sophia, il l'a accompagnée jusqu'à chez elle parce qu'il avait peur concernant son épouse. Il avait peur concernant son épouse, le fait qu'elle retourne à la maison toute seule. Parce que la maison de Sophia, elle était loin. Elle n'est pas comme les autres maisons des épouses qui étaient donc collées à la mosquée. Et donc, voilà pourquoi un grand nombre de savants, ils voient que concernant la visite du malade ou donc l'enterrement, le mieux c'est que le mu'takif ne fasse pas cela. Il ne le fait pas. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المعتكف له ذلك إن اشترط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il dit que le mu'takif, celui qui est en retraite spirituelle, il peut visiter le malade ou aller à l'enterrement si il met cela comme condition, c'est-à-dire que lorsqu'il prend l'intention de faire l'acte d'adoration, donc cette retraite spirituelle, il met l'intention et il prend donc il met en condition que s'il y arrive un cas où quelqu'un est malade qu'on doit visiter ou alors quelqu'un qui est décédé et qu'on doit aller assister à l'enterrement, alors à ce moment-là, il prend cela comme condition et à ce moment-là, il pourra sortir. Donc, comme celui qui va faire le pèlerinage, il met en condition, il va établir une condition en prenant son intention pour le pèlerinage et donc ils vont faire ici une analogie. Ils disent que pour l'Irtikaf, pour la retraite spirituelle aussi, on peut faire cela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-hadithu al-thalith. Aujourd'hui, on fait un peu plus long, mais pas beaucoup plus long, inshallah. Le troisième hadith, l'avant-dernier, inshallah ta'ala. An Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, kal. Kultu ya Rasulallah, inni kuntu nazartu fil jahiliyati an a'takif leilatan. Wa fi riwayah. يوما في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. Et donc le troisième hadith selon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui dit j'ai dit au messager d'Allah certes j'ai fait le vœu durant la période anti-islamique, j'ai fait le vœu donc avant d'être musulman, j'ai fait le vœu de m'adonner à la retraite spirituelle durant une nuit dans la mosquée sacrée. Et dans une narration, un jour dans la mosquée sacrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant « Aoufi bin Adrik ». Et donc, accomplis ton vœu, respecte ton vœu. Et l'auteur, il nous dit, rahimahullah, il nous dit donc que certains narrateurs de ce hadith, il ne cite pas le jour ou une nuit. Il ne cite pas ni un jour ni une nuit. Juste le fait de s'adonner à la retraite spirituelle. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما مستدلين بحديث عمر هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوفي بنذره فيعتكف ليلة والليل ليس محلا للصيام. Certains savants se sont appuyés sur ce hadith, le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, pour dire que ce n'est pas une condition de jeûner pour faire l'i'tikaf. Pour faire la retraite spirituelle. Tu peux t'adonner à la retraite spirituelle sans pour autant jeûner. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Omar de respecter son vœu et donc de jeûner une nuit, comme ça a été cité dans la narration. Et or, la nuit n'est pas un moment durant lequel l'individu va jeûner. La nuit, ce n'est pas un moment durant lequel on va jeûner. Fela yushtaratu siyam lil i'tikaf. Et donc, le jeûne n'est pas une condition pour pratiquer la retraite spirituelle. Wastadallu aidan bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam i'takafa fil ashr al-awwal min shawwal wa lam wa la yajuzu siyam yawm al-eid bil ijma'. Idhan la yushtaratu siyam lil i'tikaf. Et ils se sont aussi basés sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est adonné à la retraite spirituelle durant les 10 premiers jours de Shawwal, juste après Ramadan. Et donc dans les 10 premiers jours de Shawwal, il y a le jour du Eid. Or, il est interdit de jeûner le jour du Eid par l'unanimité. Et donc le prophète, il n'a pas jeûné pendant qu'il faisait l'irtikef, pendant qu'il faisait la retraite spirituelle. Et donc, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition de faire la retraite spirituelle en jeûnant. Et ce n'est pas une condition de faire la retraite spirituelle pendant Ramadan. Amma ma warada an Aisha radiyallahu anha la i'tikafa illa bi sawm. Fa qulna innahu qawlu Aisha لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يفهم من قول عائشة لا اعتكاف كامل إلا بصوم. Et donc, en ce qui concerne la parole de Aïcha, qu'on a citée tout à l'heure, il n'y a pas de retraite spirituelle. Il n'y a de retraite spirituelle qu'avec le jeûne. Alors, on a dit précédemment que cette parole est la parole de Aïcha et qu'elle n'est pas affiliée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, nous pouvons comprendre de cette parole de Aïcha, nous pouvons comprendre de cela. Il n'y a de i'tikaf, il n'y a de retraite spirituelle complète qu'avec le jeûne. C'est-à-dire que si tu jeûnes, c'est sûr que c'est plus complet. Wa fil hadithi jawazul i'tikaf yawman wahidan faqat aw laylatan wahidatan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لعمر. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis d'accomplir la retraite spirituelle pendant un seul jour ou alors une seule nuit. Pourquoi? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a autorisé à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. الحديث الرابع, le quatrième et dernier hadith de ce sous-chapitre. Inch'Allah ta'ala, عن صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. Et donc selon Safiya bint Huyay qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en retraite spirituelle. Je suis donc venu le visiter durant une nuit et j'ai discuté avec lui, puis je suis parti pour retourner à la maison. Il s'est donc levé avec moi pour m'amener à la maison. Et certes, sa maison, sa demeure, était dans la maison de Oussam ibn Zayd. Et donc, il y a deux individus, deux hommes qui faisaient partie des Ansar, qui sont passés, et lorsqu'ils ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc ils l'ont vu avec une femme, ils ont accéléré leur marche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « ala rislikuma ». C'est une expression donc pour montrer il n'y a pas besoin d'accélérer. Attention, attendez, pas besoin d'accélérer. Pas de précipitation. Pas besoin d'accélérer, vous n'avez rien fait de grave, il n'y a pas de problème. « Innaha Safiya ». Certes, c'est juste Safiya bint Huyay. Quand il dit « Subhanallah, ô messager d'Allah ». Subhanallah, ô messager d'Allah. Donc là, ils disent ça parce qu'ils sont choqués. On ne voulait pas t'accuser de quoi que ce soit, ô messager d'Allah. Tu n'as pas besoin de te justifier. On ne voulait t'accuser de quoi que ce soit. Fait qu'on le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a alors dit, certes, le diable circule dans le corps d'Ibn Adam, dans les fils d'Adam, par les voies du sang. Et certes, j'ai eu peur. J'ai craint qu'il ne jette dans votre cœur un mal ou quelque chose. Un mal, donc ici, elle waswasa, les waswasawis. Yustafadu min hadha al-hadith, jawazu ziyaratil mar'a li zawjiha al-mu'takif. Nous pouvons tirer de ce hadith le fait qu'il est permis à la femme de visiter son mari qui est en retraite spirituelle. D'ailleurs, en parlant de ça, la nourriture, celui qui est en retraite spirituelle, lorsqu'il doit manger, parce qu'il faut bien qu'il mange, il ne va pas sortir pour aller chercher de la nourriture, mais on lui ramène la nourriture. Comme le dit le Cheikh Al-Najmi, rahimahullah. « وَيُسْتَفَدُ كَذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْحَاجَةِ » On voit aussi, encore une fois dans ce hadith, le fait qu'il est permis à l'individu en retraite spirituelle de sortir de la mosquée pour un besoin. Pour un besoin, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa femme qui rentre chez elle le soir, et donc il accompagne sa femme. Regardez, subhanallah, à cette époque, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il n'y avait pas tous les dangers qu'il y a aujourd'hui, dans un pays musulman, où tout le monde respecte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont respectées, malgré cela, il va l'accompagner le soir pour rentrer chez elle. Aujourd'hui en France, on a des sœurs, le soir, qui nous font 30 km, 40 km pour retourner chez elles toutes seules. Toutes seules. Il y en a dans la région parisienne, c'est le métro, ou je ne sais pas quoi. Ici, elles prennent la voiture, d'une ville à une autre, qu'elles traversent parfois trois villes comme ça pour rentrer chez elles le soir. Subhanallah, il faut qu'on fasse attention. On n'est pas dans un pays musulman ici. Il faut qu'on fasse attention, les frères. Il faut qu'on ait un minimum de crainte concernant nos épouses. Barakallahu fikoum. Wa aidan, yu'khadhu min al-hadith, ahamiyat ittikhadh al-asbab li daf'i al-waswasa al-shaytaniyya. On prend de ce hadith aussi le fait qu'il est important de faire les causes pour rejeter les insufflations diaboliques. Et donc, il est important, nous avons des causes par rapport à cela. La récitation du Coran, Al-Mu'awwidhat, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Plein de causes pour rejeter Al-Waswasa. Les insufflations du diable, nous devons faire les causes. Mais aussi, nous devons faire les causes hatta la yudhanna bina su. Nous devons faire les causes afin qu'on ne pense pas du mal de nous. Tu ne te mets pas dans une situation où les gens pensent du mal de toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Il a tout de suite dit, « Innaha la Safiya, c'est Safiya. » Donc, il a montré que c'est son épouse. Ne te mets pas dans une situation où tu vas faire les gens douter de toi. Et tu vas laisser le diable rentrer entre toi et ton frère. Et donc, fais les causes pour te préserver toi des insufflations et pour préserver tes frères aussi des insufflations. Et donc, voilà par rapport à ce hadith, par rapport à ce chapitre, en espérant que vous ayez pu profiter de ces quelques cours. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous une science profonde. profitable. Il est certes capable de toutes choses. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc, on commence donc le ramadan demain, inshallah ta'ala. Donc, on commence déjà cette nuit, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la réussite pendant ce mois, de nous permettre d'en profiter un maximum. Profitez donc de ce mois béni pour vous rapprocher de votre Seigneur, pour vous repentir. Nous devons nous repentir de tous les péchés que nous accomplissons. Certes, Allah Azza wa Jal est pardonneur. Il nous a donné cette grâce d'être encore vivants pour l'adorer encore pendant ce mois. Nous devons en profiter un maximum. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.